On va parler de baseball québécois. L'année passée, on avait fait une chronique par mois et c'est avec grand plaisir qu'il y revient cette année pour pas mal au même rythme, encore une fois par mois. C'est Jacques Lancio de jacqueslancio.com. Évidemment, Jacques qui suit beaucoup les Québécois qui sont soit dans le baseball mineur, soit dans le baseball de la NCAA. Et question de savoir un peu hier, parce que Vladimir Guerrero-Gion a connu tout un match. On lui parle. Salut Jacques! Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Jacques, c'était la première fois qu'on voyait Vladimir Guerrero-Jr. dans l'uniforme des Blue Jays. Moi, c'était la première fois que je le voyais hier. Habituellement, il était soit à Dunedin en passé ou à Fiat Hafford. Donc, dont le nom m'échappe, là. Il était là l'an dernier. Donc, hier, il avait porté l'uniforme des Jays pour la première fois. Et quel match? Oui, ça a été tout un match. C'est assez rare que des joueurs qui terminent une saison au niveau A avancé, comme Guerrero a fait l'an passé, il a terminé la saison avec les Jays de Dunedin dans le A, qui ont une chance l'année d'après de jouer dans la Ligue des Pamplemousses. Ça n'arrive pas souvent. Il y en a eu d'autres, là, dont Charles Leblanc, il n'y a pas tellement longtemps, mais c'est assez rare. Et qu'un joueur qui arrive de la classe A à la Ligue des Pamplemousses réussissent à un match de 4 coups sûrs en 5 apparitions avec 2 points comptés, c'est fantastique. C'est très rare. Mais il faut dire que Vladimir Guerrero Jr., c'est le prospect numéro 1 du baseball majeur. Donc, c'est peut-être un peu normal, mais c'est quand même un début incroyable. Et surtout qu'il était en compagnie de son copain Bo Bichette, qui lui aussi... Le fils de Dante, pour les gens qui savent. C'est ça, c'est le fils de Dante. Guerrero, il a 18 ans. Bichette a 21 ans. C'est quand même impressionnant, là. Guerrero, là, dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, il serait éligible pour le titre de recrue de l'année. rendu dans la Ligue des Pamplemousses. C'est quand même assez spectaculaire. Ce que j'écrivais hier dans mon texte, c'est que selon moi, je pense que Guerrero va faire ses premiers pas dans les ligues majeures dès cette année. Septembre. Si c'est pas... J'ai prédit septembre. L'an passé, j'avais dit septembre. Oui, moi aussi, je pense septembre, mais on ne sait jamais. Peut-être même avant, parce qu'il est vraiment impressionnant. Ah oui, et puis là, je parlais avec Jacques Doucet qui avait parlé avec Philippe Allou, et il disait qu'il ne serait pas surpris de voir Vladimir... être transformé en voltigeur. C'est ce qui ne serait pas vraiment surprenant dans ça. Non, ce ne serait pas surprenant. De toute façon, hier, il n'a pas joué au troisième. Frappeur de choix. Il était frappeur de choix parce que, justement, défensivement, peut-être qu'il serait préférable pour lui d'aller comme voltigeur. Et il rejoint à Toronto quand même un autre Québécois, Russell Martin, qui va assez bien. Il a pris un peu de poids. Il a pris une quinzaine de livres, puis ça paraît. Il a 3 coups sûrs depuis le début de la saison dans la Ligue des Pamplemousses, 3 coups de circuit. C'est quand même assez impressionnant. Bon. Et ce que je disais tantôt, c'est que c'est rare que des joueurs de la classe A qui terminent une saison dans la classe A passent directement à la Ligue des Pamplemousses. Charles Leblanc, il n'y a pas tellement longtemps, il y a à peu près 2 semaines, a été rappelé par les Rangers du Texas pour un match dans la Ligue des Pamplemousses. Puis lui aussi, il a fait comme Guerrero. Il a été 2 fois au bâton, il a produit 2 points, et il a eu 2 coups sûrs. Donc 2-2. Pour le moment, si on va voir les statistiques des Rangers du Texas sur leur site Internet, le champion frappeur pour le moment, c'est Charles Leblanc qui frappe pour 1000. C'est quand même impressionnant. 2-2, effectivement. Donc, très bien. Là, tu es parti pour faire le tour pas mal des joueurs. Donc, on va faire le tour des joueurs des Québécois. Tu me dis l'autre fois, quand on a confirmé que tu revenais avec moi, que Benjamin Petit va être le gars à surveiller cette année comme Québécois. Je pense que oui. Actuellement, à part Guerrero, Russell Martin puis Charles Leblanc, il y a 5 autres joueurs qui sont sous contrat avec des équipes des Ligues majeures, dont Pelletier, qui va être à sa 3e saison cette année dans l'organisation des Phillies de Philadelphie. Benjamin Pelletier, il a 19 ans. Fait que c'est un prospect, c'est un joueur qui frappe avec une puissance incroyable. L'an passé, il a fini avec la meilleure moyenne au bâton au sein de l'organisation des ligues mineures des Phillies de Philadelphie. Donc, c'est un gars à suivre. Il était dans la Ligue des recrues de la Gulf Coast, mais cette année, j'ai bien l'impression qu'il va réussir à se tailler un poste. Si c'est pas avec le A, ben, en tout cas, ça va être avec le A fort, ça va être avec le A moyen. OK. À part ça, il y a Philippe Aumont qui est avec les Tigers de Détroit. Il y a absolument aucune nouvelle qui émane de lui. Philippe ne retourne pas mes appels, donc je ne peux pas, savoir ce qui se passe avec lui. Mais il n'a pas été... Lui, il a signé normalement avec l'équipe 3A des Tigers. Il n'a pas lancé pour le moment dans la Ligue des Pamplemousses. Peut-être que ça va arriver d'ici la fin de la saison, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais il avait signé un contrat des Ligues mineures. Donc, ce qui veut dire Ligues mineures. Ça veut dire probablement qu'il est au camp des Ligues mineures. C'est sûr que des fois, quand tu signes un contrat des Ligues mineures, tu peux être invité au camp des majeures. Mais donc. Mais normalement, un gars qui a signé avec l'équipe 3A va avoir une chance au moins une fois ou deux d'aller lancer dans la Ligue des Pamplemousses pour voir ce qu'il est capable de faire. Mais c'est pas le cas. Mais c'est sûr, Philippe, il est revenu au jeu l'année passée avec les champions d'Ottawa. C'est pas le même calibre quand même que les Ligues majeures. Donc, il y a peut-être un petit peu d'apprentissage encore à faire. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de nouvelles là, pour le moment. Oui, effectivement. Avec les Astros de Houston, il y en a deux autres. Il y a Abraham Toro et Jonathan Lacroix. Jonathan Lacroix qui a été sur la liste des blessés toute l'année passée. Cette année, il est au camp d'entraînement puis il devrait commencer dans la Ligue des recrues. Tandis qu'Abraham Toro, ben, je ne serais pas tellement surpris de le voir dans le A-fort parce qu'il a connu une très, très bonne saison l'an passé. C'est un autre qui est à suivre. Il a été repêché comme joueur de troisième but, sauf que l'an passé, ils ont commencé à le convertir en receveur. Puis quand on convertit un joueur en receveur, d'habitude, là, c'est parce qu'on a confiance puis qu'on veut l'avoir dans l'organisation pour de nombreuses années. Okay. Alors, le meilleur exemple pour ça, c'est Russell Martin. Il a été repêché, lui-ci, comme joueur de troisième but. Dès la première année, ils l'ont converti en receveur. Trois ans après, il était dans les ligues majeures. Donc, Abraham Toro, c'est un joueur à suivre. Okay. Et l'autre, c'est Raphaël Gladue, qui a commencé l'année passée dans la Ligue des recrues avec l'organisation des Mets de New York. Lui-ci, je pense bien qu'il devrait avoir une promotion, peut-être pas dans le A fort, mais peut-être dans le A moyen. Il a connu une brillante carrière dans les collèges américains, donc ça serait pas tellement surprenant là, qu'il soit dans le A fort cette année. OK. Donc, tu veux parler des Québécois là, qui vont être repêchés, parce qu'encore une fois, il y a des Québécois qui vont être repêchés. Ben, peut-être pas nécessairement repêchés, mais ceux qui brillent actuellement dans le baseball collégial américain, là, il y en a un que j'en avais parlé l'an passé quand on a parlé un petit peu, puis j'étais au camp d'entraînement en Floride avec l'ABC, c'est Miguel Cienfuegos. C'est un joueur qui, dans la Ligue de baseball élite du Québec, joue pour les Pirates de Laval. C'est essentiellement au Québec un lanceur. L'an passé, dans notre tournoi, dans notre tournée de l'ABC en Floride, il a signé un contrat avec le Collège Northwestern de la Floride, de la Ligue de junior. Puis on s'attendait, moi personnellement, m'attendais à ce que ce soit un lanceur. Et lui, il est arrivé, il a commencé sa saison, mais il lançait pas. Il était voltigeur, mais voltigeur qui frappe de façon incroyable. Là. Actuellement, c'est le meilleur des Québécois au bâton. Il a joué pas mal de matchs. Il a déjà 30 coups sûrs en 77 apparitions au bâton. Ça veut dire qu'il frappe pour 390. Il a deux doubles, quatre triples, quatre coups de circuit, 10 buts sur balle. C'est un joueur exceptionnel au bâton. Puis au Québec, là, on le connaissait pas comme un frappeur. On le connaissait comme un excellent lanceur. C'est un gars qui lance au-dessus de 90 000 à l'heure. Avec son équipe, il l'a envoyé deux fois au monticule au début de la saison en Floride. Il n'a pas donné de points. Il a une manche à chaque fois. Il a retiré les trois frappeurs les deux fois. Bon, là, on lui a donné une chance d'être lanceur partant. À son premier match, il a remporté la victoire. Il a donné un point non mérité. Et hier, il a été à son deuxième départ. Il a lancé encore une fois. Il a lancé cinq manches dans ce match-là. Il a donné un point non mérité et deux petits coup sûr seulement, avec 8 retraits sur des prises. Oui, c'est bon. C'est un joueur... Ça fait plusieurs années que Canadian Baseball Network décerne le joueur de l'année dans le baseball collégial universitaire américain à des Québécois. Mais je pense que ça va être encore le cas cette année. L'année passée, c'était Christopher Acosta-Tapia. Il y a eu aussi Philippe... celui qui est avec les Capitales de Québec, là. Je ne sais pas de son nom de famille, mais c'est pas grave. Je ne suis pas les capitales beaucoup. Je vais être honnête avec toi, je ne suis pas beaucoup les capitales, donc je ne peux pas t'aider. Mais on a eu quand même dans les trois dernières années, dans les quatre dernières années, trois Québécois qui ont été le joueur collégial universitaire américain, mais canadien de l'année. Fait que je pense bien que cette année, on va en avoir un quatrième, ça va être Miguel Cienfuegos, c'est un gars des Pirates de Laval, qui probablement que cet été, les Pirates vont sûrement vouloir le faire frapper. En tout cas, moi, je le ferai frapper chez les entraîneurs, là, parce que c'est vraiment tout un joueur. Il y a un autre joueur qui est... Oui? Juste, tu me parles de Victor Bergeron, mais là, continue, va. OK. Ben, il y a un autre joueur que je veux parler parce qu'il est intéressant, c'est Danny Paradis-Giroux. C'est un gars qui a pas joué dans les collèges américains l'année passée parce qu'il y a eu un problème d'admissibilité, d'éligibilité avec la NCAA. Mais cette année, il est de retour dans la NAIA. Il a lancé 5 fois depuis le début de la saison. Il a 5 victoires. Il a une moyenne de points mérités de 0.88. C'est vraiment là, quelqu'un à suivre. Ça devrait être très bon. Tu me parlais de Victor Bergeron. Oui, qu'est-ce qui va arriver avec ce fait? Parce que là, on a parlé d'un gars de 14 ans l'autre fois qui lance des balles de feu. C'est la première fois que j'entendais parler. Lusignan. Sauf qu'il y en a un autre qui s'appelle Victor Bergeron, que ça fait longtemps que je n'entends parler. Lui, là, il doit te rendre à quoi, 17, 18 ans? Il vient d'avoir 17 ans. Oui, OK. Donc, il est encore dans le baseball, c'est ça? Oui, mais il n'est plus avec l'ABC. Il a quitté l'ABC l'an passé à la fin de la saison. Il a joué 2 années pour l'ABC, pour l'équipe des 17 ans et moins. Il a brillé les 2 années. Mais l'an passé, il a décidé d'aller étudier à Trois-Rivières. Okay. Parce que c'est un gars de Terrebonne, donc c'est pas tellement... Mais son talent, il continue à bien lancer. Quoi, parce qu'on lui, on disait que c'était un solide prospect. Oui, il est actuellement dans des 5 Québécois qui sont invités au camp d'entraînement de l'équipe nationale junior du Canada. Bravo. D'après moi, il devrait être avec l'équipe nationale junior cette année. Puis c'est un très, très, très bel espoir pour les Québécois au prochain repêchage. Prochain repêchage de juin de cette année ou l'autre? Oui. Non, au mois de juin. Au mois de juin, il pourrait être repêché. Ah, OK. C'est à suivre. Mais en tout cas, s'il n'est pas cette année, il va l'être l'autre année. Après, d'après moi, les Phillies de Philadelphie ne laisseront pas passer. Non, non, c'est sûr. C'est qu'avec Alex Agostino ici au Québec, ça aide beaucoup. C'est ça. As-tu parlé avec Jason Therrien? Qu'est-ce qui se passe avec Jason? Non, je sais qu'il y a eu une opération Tommy John, mais est-ce que sa réputation va aussi bien? Oui, ça va très bien pour lui. Dès que les Phillies ont appris qu'il était pour être opéré, ils l'ont libéré de la liste des 40 joueurs. Mais quand tu te fais libérer de la liste des 40 joueurs, tu passes au repêchage. Tu as une chance à prendre. Ils ont pris une chance, puis les Dodgers de Los Angeles ont repêché Jason. Jason est sous contrat avec les Dodgers. Il ne lancera pas dans le baseball affilié la saison prochaine, en 2018. Et il devrait être de retour. En tout cas, peut-être à la fin de la saison, mais ça serait surprenant. Là, d'habitude, ça prend un an ce genre d'opération-là. Mais ça va très bien. Il va travailler fort. Connaissant Jason, il va travailler tellement fort qu'il va être prêt. Puis quand il va revenir, je pense pas qu'il va revenir dans les ligues mineures. Là. Il va faire un bon camp d'entraînement au début de 2019. Au début de la saison, il devrait être pas loin des ligues majeures. Là. Parce que lui, on va le perdre de vue pour la prochaine saison, là, mais après ça, on va le retourner. Ça, c'est certain. J'espère, parce que tu sais, des Jason Therrien, il y en a beaucoup. Là. Donc, tu sais, ce qui s'est passé, tu sais, nous autres au Québec, on en entend parler beaucoup, mais des Jason Therrien, il y en a plus beaucoup. Fait que, tu sais, il va falloir que là, l'opération Tommy John, ça arrive, je pense, à un très mauvais moment pour sa carrière. C'est dans ce sens-là que je disais. Mais c'est arrivé la même chose dans le cas d'Éric Gagné. Gagné, après, quand il était très, très, très dominant dans les ligues mineures, il a subi une opération Tommy John, il est revenu. Par contre, Steve Green, lui, ça n'a pas fonctionné. Mm. Il y a eu une opération Tommy John, il est revenu, mais jamais remonté dans les ligues majeures par la suite. Là. C'est sûr que ça peut être décevant, mais il peut revenir plus fort. Là. Il faut pas oublier que Jason Therrien, c'est un des athlètes qui était le plus en forme dans le baseball mineur l'année passée. Fait que je serais pas surpris, moi, qu'on ait des surprises et qu'ils reviennent dans les ligues majeures plus rapidement qu'on pense. Jacques, je te remercie beaucoup. Très intéressant. Continue tes excellents papiers. Ça fait différent du plan de Marc Bergevin qu'on entend parler quasiment quotidiennement. Puis c'est très amusant, puis c'est très plaisant de te lire. Donc, on s'en reparle dans quoi, un mois? Quand tu voudras, moi, ça va me faire plaisir parce qu'il y a beaucoup d'activités mars-avril dans les collèges américains. Là, ça va. Effectivement. Il y a beaucoup de choses. Les gens qui veulent lire jacqueslancio.com, il y a également sa page Facebook. Donc, c'est très intéressant. Je vous invite à aller lire. Jacques Lancio, gros merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Voilà, donc c'était Jacques Lancio qui nous parlait des Québécois qui sont dans le baseball mineur.